Tu penses que consommer c'est bien, mais dans le fond t'es juste en train de détruire tes cellules à vie. Faut ça t'as pas bien compris. Tu t'es accroché à toi-même, t'es tanné que les ondes prennent ton blanc. T'es ramassé une fois plus dans la merde, j'pense qu'il faudrait peut-être ça cesse. Tu cries que t'as besoin de l'aide, personne. Serious, you're gonna run. And you're mine, no more mistakes. Les gens pour toi ne sont que des fakes. Cherche à capter l'attention de tes interlocuteurs. Va falloir traverser le pont pour que t'arrêtes de faire le con. Tu vois la vie en noir ce soir, tu fumes des gros pétards. Tu te détruis à force de dire pourquoi t'as pas de sexe au lit. Mais l'amour te rend pas fort, ça ne fait te causer du tort. Accroche-toi aux merveilleuses choses de la vie, puis let's go souris. T'es tanné de pas te faire respecter, tu penses que c'était d'escraper. Tu veux sacrer ton cœur en chine, parce que t'es tanné d'avoir mauvaise mine. T'es écœuré devant tel passé, t'aimerais juste ça, l'oublier. Mais tu sais que c'est plus fort que toi, c'est pas the first time tu passes par là. Changer c'est recommencer, tu vas chercher de l'aide pour pouvoir caler. Mais après tout c'est ta vie, fais ce que tu veux, c'est pas moi choisi. Mais la seule fois que tu vas décider d'être au bas, viens pas broyer parce que je t'ai abandonné. C'est la phrase qu'on me répète au moins 4000 fois. Yeah. À cette heure tu sais quoi faire, vu qu'on fait la page, je suis tanné de toutes tes misères. Te rappelles-tu d'hier, toi qui as pas de mémoire, il faut bien le croire. Tu t'es trop décrissé, là j'ai abandonné. Yeah. Mais faut que je lâche les conneries, vis ta vie. Mais faut que je lâche les conneries pour toi, vis ta vie. Toutes ces conneries, c'est fini pour moi, tu voulais mon aide. Te demandes-tu pourquoi? Yeah, yeah, yeah.